Au pays des pardons, par Anatole Le Braz. Saint-Yves, le pardon des pauvres. Chapitre 1. Saint-Yves est le dernier en date, et si je ne me trompe, le seul canonisé de nos saints d'origine bretonne. Note. Ewen, Eusen ou Yves Ellouri naquit le 7 octobre 1253 de noble dame Azou de Quinquise, épouse de Tanaïque Ellouri de Kervarzine, lequel accompagna, dit-on, le duc de Bretagne, Pierre de Dreux, à la 7e croisade, et fut un des combattants de la Massour. Confère la vie de Saint-Yves par l'abbé France. Fin de note. Il est aussi à peu près le seul dont la réputation ait franchi les limites de la province. Un an après sa canonisation, il avait à Paris, rue Saint-Jacques, une chapelle ou collégiale qui a subsisté jusqu'en 1823. Au XVe siècle, on lui bâtissait, au cœur même de Rome, une église avec cette dédicace « Divoi veni tricorensi ». Et plus tard, dans la même ville, on vit se fonder, sous son patronage, des confréries d'hommes de justice qui pourvoyaient, par une sorte d'assistance judiciaire, à la défense des pauvres et des petits. Angers, Chartres, Évreux, Dijon lui consacrèrent des autels. À Pau, le Parlement faisait, en robe rouge, une procession en son honneur. À Anvers, des fragments de ses reliques, enchâssés dans l'Irénophore, étaient donnés à baiser les jours d'audience aux membres de la cour. Rubens peignit pour l'université de Louvain un tableau qui le représentait. Dernièrement, enfin, on a découvert à San Gimignano, près de Pérouse, une fresque de Baccio della Porta qui montre le saint avocat donnant à une clientèle en haillons des consultations gratuites. Mais il va sans dire que c'est surtout en Bretagne, et plus particulièrement au pays de Tréguier, que sa mémoire et son culte persistent à fleurir. Les sentiers sinueux qui mènent à travers champs à son sanctuaire de Minihy sont fréquentés toute l'année par les pèlerins qui vont implorer son aide. Les suppliants affluent des havres de la côte voisine et des pentes lointaines du Ménez. Un soir que je revenais de visiter la tour Saint-Michel, qui domine de sa haute ruine solitaire tout le pays trégorrois, je ne fus pas peu surpris de voir poindre à un tournant de la route trois petites lueurs qui scintillaient faiblement dans le crépuscule, déjà sombre, tandis qu'au milieu du grand silence s'élevait un bruit de voix très doux, très monotone, un susurrement continu et plaintif. En m'approchant, je distinguai un groupe de femmes assises côte à côte sur un tas de pierres au bord du chemin. Chacune d'elles tenait à la main un cierge dont la flamme montait à peine vacillante dans l'air tranquille. Je leur donnai le bonsoir en breton et elles s'interrompirent de prier pour me demander si elles étaient encore loin de Saint-Yves. Elles étaient nu-pieds en corps de chemise. Elles arrivaient de Pleumeur-Baudou d'une seule traite sans avoir pris aucune nourriture et elles se reposaient là un instant. Leur dessein était de passer la nuit en oraison, dans l'église, de faire, comme elle disait, la veillée devant le saint, puis de s'en retourner chez elle, après la première messe, toujours pieds nus et à jeun. « Et vous portez ces cierges ainsi allumés depuis Pleumeur ?»« Sans doute. Pourquoi ?»« Parce que cela est dans notre vœu. »« Ce vœu, peut-on savoir quel il est ?» Ma question, paraît-il, était indiscrète. Les femmes se regardèrent entre elles, et la plus âgée des trois, figure sèche et basanée de pieuse d'épave, me répondit avec dureté « Vous n'êtes pas Monsieur Saint-Yves béni, ce me semble. » En même temps, elle se levait, faisant signe à ses compagnes. Je les vis s'enfoncer dans l'obscurité, l'une derrière l'autre, à la file, avec des arrêts subis, dès que la flamme des cierges, échevelée par le vent de la marche, menaçait de s'éteindre. J'étais au port de Tréguier que j'entendais encore le fredon, de plus en plus lointain, de leur voix. On eût dit un essaim d'abeilles voyageant d'arbre en arbre dans la profondeur sonore de la nuit. Cette rencontre m'est restée présente entre mille autres, faites dans les mêmes parages, sans doute à cause de l'impression de mystère qu'elle m'a laissée. C'est une tradition en Bretagne que chaque saint a sa spécialité curative. Modès guérit des furoncles, Gonéry de la fièvre, Tugène de la morsure des chiens enragés. Yves, lui, est, selon l'expression populaire, bon pour tout, de là sa supériorité. On peut s'adresser à lui en n'importe quelle occurrence. Lorsque Saint-Yves s'est mis une chose dans la tête, il en vient toujours à bout. Telle est la conviction générale. Aussi, tandis que la plupart des vieux thaumaturges locaux ont vu, en ces derniers temps, décroître leur prestige, le sien n'a fait qu'augmenter. Comme disait une vieille, il les dépasse tous de son bonnet carré. Il est, aux yeux des Bretons, le savant, le docteur par excellence. Et ils ont une foi invincible dans ces lumières, certains d'ailleurs qu'il n'en usera jamais pour les tromper. Car il n'est pas seulement la science même, il est encore la droiture incarnée. C'est le grand justicier, l'arbitre impeccable et incorruptible. L'image la plus fréquente que l'on donne de lui le représente assis dans un tribunal entre le bon pauvre dont il accueille la requête et le mauvais riche dont il repousse la bourse. Cela est d'un symbolisme transparent et naïf. Soyez assurés que le bon pauvre personnifie le peuple breton lui-même, ce peuple de miséreux durcis à la peine, pour qui les conditions de la vie sont demeurées si précaires et sur qui n'a pas cessé de peser le long héritage d'oppression et d'iniquité dévolu à la plupart des communautés celtiques. Lui aussi, comme le bon pauvre, il tient en main son rouleau de papier où sont inscrits ses doléances, sa plainte séculaire, son indomptable espoir. Car, en dépit des cruelles écoles de son passé, il n'a renoncé à aucun de ses vieux rêves, rien abdiqué de son idéal ancien. Affamé de justice, il est resté fidèle à la religion du droit. Comme toutes les races qui ont souffert, il se berce d'une grande illusion messianique. Et, en attendant le jour improbable où elle deviendra une réalité, il met sa confiance en Saint-Yves, l'avocat des humbles, l'irréprochable thaumaturge redresseur de tort. C'est à lui que les Trégorois ont recours, toutes les fois qu'ils se tiennent pour gravement lésés, et en le faisant juge de leur querelle, ils l'invoquent sous le beau nom de Saint-Yves le Véridique, Saint-Erwan, Ars Virionnaise. Note. On traduit encore Saint-Yves de la Vérité. Je crois être plus fidèle au sens exact de l'expression bretonne, en traduisant comme je fais droiture et vérité dans cette langue se rendant par le même terme. Fin de note. Chapitre 2. Le lieu où il donne en cette qualité ses audiences n'est point son église de Minihi, mais sur une des collines d'en face, de l'autre côté du Jodi, un étroit emplacement ombragé d'ormes et dominant la crique de Porsbian. Là s'élevait naguère une chapelle dédiée à Saint-Sulle, sur les terres des seigneurs du Verger de la famille de Clisson. Ceux-ci lui adjoignirent, vers le XVIIIe siècle, un ossuaire en granit destiné à leur servir de caveau funéraire. Après la Révolution, la chapelle subit le sort de quantité d'autres oratoires que le manque des ressources des fabriques paroissiales, souvent aussi l'incurie du clergé, a laissé tomber en ruine. Elle disparut, mais l'ossuaire resta debout. Les statues des saints que la chapelle ne pouvait plus abriter y trouvèrent un refuge. Parmi elles était une image de Saint-Yves, très ancienne, d'un caractère un peu barbare, et qui, pour ces deux raisons, était regardée par les gens du pays comme une reproduction en quelque sorte authentique. J'ai vu dans mon enfance l'édicule de Porsbian. Une vieille femme de Pleudaniel, où nous habitions, m'y mena un jour. Elle s'appelait Monique, diminution familière de Mône ou Marie-Yvonne. De son métier, elle était cardeuse d'étoupe. Et tout l'hiver, elle cardait. Je m'esquivais souvent à la tombée de la nuit pour aller m'asseoir près d'elle dans l'âtre où elle travaillait, accroupie, à la lueur d'une chandelle de résine. Elle avait une prodigieuse mémoire, en dépit de ses 70 ans, et elle savait des choses surprenantes que je n'ai jamais entendu dire qu'à elle. Elle les disait d'une voix lente, posée, toujours égale. On avait tant de plaisir à l'écouter qu'on ne prenait pas garde au grincement des peignes, si même il n'y avait pas dans cet accompagnement strident je ne sais quel charme de plus. Sur la fin de la saison froide, dès que les pâles soleils de mars commençaient à luire, Monique changeait d'occupation. Elle se faisait alors pèlerine. Des gens la venaient trouver, la priaient, moyennant un modique salaire, de se rendre à tel oratoire, à telle fontaine qu'ils désignaient, et d'y remplir leur dévotion à leur place. À partir de ce moment, ses journées se passaient à trotter les chemins. Un matin, je la vis qui achevait de nouer ses souliers sur le pas de sa porte. « Et de quel côté allez-vous aujourd'hui, Monique Vénérable ?»« Pas loin, mon petit, au pays de Trédarzec, 2 lieues à peine par la traverse. »« Savez-vous, mère Mône, puisque c'est si près, laissez-moi vous accompagner. » Elle hocha la tête à plusieurs reprises en faisant « d'un air indécis, comme si ce que je lui demandais là eût été très grave. Puis, au bout d'un instant, « Viens tout de même, » me dit-elle. Nous nous mîmes en route dans l'exquise fraîcheur des choses matinales. J'étais tout fier de voyager ainsi aux côtés de la vieille Maune, que je considérais comme une personne d'essence supérieure, en commerce perpétuel avec les saints. Nous suivions des sentiers qui n'étaient certainement connus que d'elle et qui coupaient court à peine frayés à travers les hautes herbes des prairies et les fourrés épineux des landes. Un grand silence planait sur la campagne mouillée. Nous marchions d'une bonne allure. Voici que dans la montée de 40 tours, je crus m'apercevoir que Monique boitillait d'une jambe. « Ce n'est rien, » fit-elle. « J'ai dû mettre dans mon soulier quelque chose qui me gêne un peu. »« Déchaussez-vous. » Elle eut un geste de la main comme pour me dire « Ne t'occupe point de cela, c'est mon affaire et non la tienne. » Et elle continua de cheminer de la sorte en marmottant de vagues oraisons auxquelles je ne comprenais rien. Au bourg de Trédarzec, elle fit une halte sous le porche de l'église, m'invitant à m'asseoir sur une des pierres tombales du cimetière pour attendre qu'elle eût fini. L'instant d'après, nous étions de nouveau en plein champ. « Maintenant, me dit Monique, paix, ne me parle plus. Contente-toi pour te distraire de siffler au merle. » Je lui trouvai une mine étrange, un air assombri et presque farouche. Dans sa vieille figure flétrie, à la peau rugueuse et plissée comme une écorce de chêne, ses petits yeux brillaient d'un éclat singulier. Il me vint à l'esprit des pensées déplaisantes qui me gâtèrent toute ma joie de tantôt. Si j'avais osé, je serais retourné sur mes pas. Aussi n'ai-je gardé de cette partie du trajet que des souvenirs confus. Par intervalles, on traversait des aires de ferme. Monique était universellement connue, les ménagères se montraient sur le seuil et la saluaient au passage. « Ah ah, Monique, on va donc là-bas »« Oui, oui, une fois encore. Quand les choses ne sont pas droites, il faut bien recourir à quelqu'un qui les redresse. » Ces propos énigmatiques, échangés d'un ton rapide, n'étaient pas pour diminuer mon malaise. Au creux d'un ravin, entre des rebords en granit rongés par les mousses, dormait tristement une fontaine à l'eau ténébreuse et glacée. Monique s'agenouilla sur la margelle, je crus qu'elle voulait boire. Mais point, elle se contenta de puiser quelques gouttes dans ses deux mains et d'en asperger le sol autour d'elle en murmurant de vagues paroles. Ce furent ensuite des terres hautes, des mésioux, des friches dénudées et houleuses, un dernier plateau enfin et devant nous, par-delà le miroitement calme de la rivière, tréguier surgit, lumineuse, poussée d'un seul jet, ainsi qu'une ville de rêve, avec les teintes pourprées de ses vieux toits, son peuple de clochetons et la flèche de sa cathédrale toute rose, de grands vols de martinets tournoyant au-dessus. Le long du quai planté d'arbres, les vergues des navires, enchevêtrés aux branches, semblaient avoir retrouvé la frondaison de leur printemps d'autrefois. Les moindres bruits arrivaient à nous, très distincts. On percevait jusqu'au claquement des sabots sur le pavé, des refrains de calfas se croisaient dans l'air, à l'arrière-plan se voyait le Minihi, dans un fouillis de verdure, et Plouguiel, détaché en silhouette sur un dos de promontoire. Tréguier m'apparut ce jour-là comme une cité merveilleuse, au centre d'un paysage enchanté. Monique, cependant, venait de prendre à droite par une gentaie. Un colombier désert y projetait son ombre mélancolique. Non loin, deux ou trois maisons de pauvres couvertes en glui. En contrebas, un bouquet d'ormes ébouriffés par les vents d'ouest, et à leurs pieds, dans un retrait, une petite construction bizarre, semi-chapelle, semi-crèche. Nous étions au terme de notre course. « Fais ta prière, enfant, » me dit Maune. « Ici demeure le grand saint des Bretons. Ici demeure Yves, le véridique. » C'étaient les premiers mots qu'elle m'adressait depuis Trédarzec. Elle ajouta « Mais d'abord, regarde bien. Sa statue est celle que tu vois dans cet angle. Il y est représenté tel exactement qu'il était de son vivant, du temps qu'il était recteur de Tréguier. » Note. Ainsi s'exprimait l'excellente femme. Est-il nécessaire de faire observer que les gens du peuple ont leur façon personnelle d'interpréter, c'est-à-dire de dénaturer l'histoire, et que Saint-Yves a été non pas recteur, mais official de Tréguier. Fin de note. Une vapeur diffuse emplissait le sanctuaire qui ne recevait de jour que par la porte et par une espèce de lucarne percée dans un des murs latéraux. Au fond était dressé un autel en maçonnerie, blanchi à la chaux, où, sur la table de pierre, sans nappe ni ornement, une rangée de saints s'appuyaient les uns aux autres, épaule contre épaule, comme une bande d'hommes ivres. Ils avaient, pour la plupart, des traits à la fois rudes et bénins, encadrés d'une chevelure moutonneuse et d'une barbe en collier, et rappelaient à s'y méprendre les gens de notre entourage habituel, pêcheurs d'Utrieux et mariniers de Jaudy. Une statue isolée occupait l'encoignure de droite. C'était elle que me désignait Monique. Elle était de taille humaine, beaucoup plus haute que les précédentes, mais tout aussi fruste. Le bois en était fendillé, pourri, entaché de lèpres et de moisissures. La figure seule avait gardé les traces d'un peinturlurage ancien étrangement blêmi, et sa pâleur mate semblait luire dans l'ombre comme si elle eût été phosphorescente. On aurait dit la face d'un mort, éclairée d'un reflet de cierge. Je ne la contemplais du reste qu'à la dérobée et dans des dispositions d'âme où la peur l'emportait sur la dévotion et même sur la curiosité. Je n'étais pas sans savoir de quels attributs terribles cette image passait pour être douée. La cardeuse d'étoupe, durant les veillées d'hiver, par des allusions, des demi-confidences, m'en avait instruit un tant soit peu. Et je n'étais pas très rassurée de me trouver face à face avec cette tête glabre dont les yeux étaient d'une fixité déconcertante. Monique avait délacé son soulier gauche, celui du pied dont elle boitait, et en ayant retiré une de ces petites monnaies de bronze, encore fréquentes à cette époque dans le pays et qu'on appelait des pièces de 18 deniers, elle l'alla poser délicatement dans un pli de l'aube du sein. Puis, troussant sa cotte et appuyant ses genoux nus au sol humide, elle entra en oraison. Ce fut long, très long. Je m'étais assis dans l'herbe, en dehors de l'oratoire, l'esprit occupé à suivre des voiles qui descendaient la rivière, unies et vertes comme un lac. Soudain, Monique se mit à parler tout haut, d'un ton âpre. Je me penchai, et je la vis qui, debout, interpellait le saint assez durement, en le secouant par l'épaule. À plusieurs reprises, elle cria en breton « Si le droit est pour eux, condamne-nous. Si le droit est pour nous, condamne-les. Fais qu'ils sèchent sur pied et meurent dans le délai prescrit. » Note. La formule est invariablement la même, et l'on emploie toujours le pluriel, même lorsqu'il n'y a contestation que d'individu à individu, ce qui était ici le cas, ainsi qu'on le verra plus loin. Fin de note. Il y avait dans l'accent et dans le geste je ne sais quoi de sauvage et de troublant. La vieille sortit du sanctuaire, les yeux allumés d'une flamme mauvaise, et en fit le tour à l'extérieur par 3 fois. Le 3e tour accompli, elle s'agenouilla devant l'entrée. Quand elle se releva, elle avait son expression accoutumée, sa figure d'aïeul d'une infantine douceur et dont les rides même semblaient sourire. « C'est fini, » me dit-elle, « allons-nous-en bien vite. » Il fut délicieux ce retour, dans la joie de la lumière de midi, par une belle journée de printemps hâtif, Mône causait, comme pour se dédommager du silence qu'elle avait dû observer jusque-là. À Trédarzec, elle voulut absolument me faire manger des gâteaux à une petite boutique, en plein vent. Elle était gaie, des bouts de chansons lui venaient aux lèvres. Jamais je ne lui avais vu cette exubérance. Et elle ne boitait plus, oh plus du tout! Trottinait au contraire d'une allure ingambe avec des sautillements d'oiseaux. « Vous avez l'air tout heureux, vieille mère. Je suis heureuse, en effet, ma bique. » Note. Fils, avec le diminutif de tendresse. Fin de note. « J'ai un poids de moins sur le cœur. Parmi les commissions qu'on me donne à faire, il en est qui ne me sont pas agréables, mon enfant. Et quelle était celle d'aujourd'hui, s'il vous plaît ?»« Chut !» murmura-t-elle, en faisant mine d'écouter un pinson qui s'égosillait au-dessus de nous, dans une touffe d'aune. Je n'osais pas insister, on parla d'autre chose. Ce que Mône, par scrupule professionnel, se refusait à m'apprendre, je l'ai su depuis. Un patron de barque de Camarelle, en pleu Daniel, avait eu maille à partir avec son unique matelot, à propos d'un règlement de compte sur lequel il ne s'était point trouvé d'accord. De là, des paroles aigres et une mésintelligence qui alla croissant. On continua de pêcher ensemble, mais on passait souvent 20 et 30 heures au large sans échanger un mot. Et les personnes entendues de dire « Vous verrez que cela finira mal ». Une nuit, le matelot se présenta, l'air égaré, les vêtements ruisselants, au poste des douanes de Lézardrieux. Il raconta que la barque, qui était mûre, avait touché une roche, qu'elle avait coulée à pic, et que le patron, ne sachant pas nager, avait dû trinquer une fois pour toutes. Il n'y avait dans ce récit rien d'invraisemblable. On n'inquiéta point le matelot. Les commères de Camarel, cependant, ne laissaient pas de jaser. Excitée par elle, la veuve du noyé fit un esclandre public dans le cimetière à l'enterrement du cadavre retrouvé au bout du 9e jour. Note. C'est une croyance invétérée sur le littoral armoricain, justifiée d'ailleurs, m'a-t-on dit, par de nombreux exemples, que tous les 9 jours, la mer pousse à la côte les cadavres de ceux qu'elle a engloutis dans l'intervalle. Fin de note. Oui, oui, s'écria-t-elle, au moment où le cercueil disparaissait dans la fosse. Nous savons comment tu es mort. Ils pleureront aussi, crois-moi, ce que ta perte a réjoui en secret. À partir de ce moment, la vie ne fut plus tenable pour le matelot. Il n'était point d'avanie qu'il n'eût à subir de la part de la veuve et de sa nombreuse parenté. En vain, il voulut se louer à un autre patron. Partout, il lui fut répondu sur un ton de sanglante ironie qu'on n'avait pas besoin à bord d'un homme qui portait malheur. Désespéré, sur le point de quitter le pays, il se rendit chez Monique à la nuit close pour n'être vu de personne. « Il faut qu'Yves le véridique prononce entre la veuve et moi. Je te prie de l'aller trouver en mon nom. » On sait avec quelle ponctualité la pèlerine par procuration s'acquitta de cet office. Il paraît que dans le cours de l'année, la veuve tomba en languissance, sécha sur pied comme une plante atteinte dans ses racines, et finalement trépassa. Le matelot avait eu gain de cause. C'est chose superflue, j'imagine, de faire remarquer combien cette forme populaire du culte de Saint-Yves rappelle la fameuse épreuve du jugement de Dieu, si usitée au Moyen-Âge. Note, avec quelque chose de plus moral toutefois. Fin de note. Aujourd'hui, le petit oratoire de Porzbihan n'existe plus. Quand j'y suis revenu cet été, pour y rafraîchir mes impressions d'autrefois, j'ai revu dans le ravin la vieille fontaine avec son eau si noire qu'elle ne m'a point renvoyé mon image lorsque je m'y suis penché. Et sur le plateau découvert, j'ai revu le colombier promenant autour de lui la même ombre solitaire. J'ai aussi reconnu les ormes, plus tordus que jamais, et comme immobilisés en des attitudes de paralytiques. Au bord de la route pierreuse, c'était le même groupe de chaumières basses, aux lourdes toitures, aux murailles disjointes étayées par des rames. Mais de l'édicule ancien, plus rien ne restait, si ce n'est les fondations, peut-être, quelques moellons épars, enfouis sous de grandes ronces, où des enfants d'alentour, pareils aux petits coureurs de champs que je fus naguère, cueillaient des mûres à pleine main. J'ai dit ailleurs, note, confère la légende de la mort, page 222, note 2. Lire aussi le crucifié de Keraliès, ce sobre, délicat et passionnant récit où Charles Goffic a reconstitué, dans un autre cadre, les principales péripéties du drame de Hengwat. La victime s'appelait en réalité Omnes, et la vieille sorcière qui l'a avouée à Saint-Yves, la Cato Prumenec du roman, avait nom Cato Brillant. Celle-ci fit à l'instruction des aveux complets, détailla consciencieusement toutes les pratiques rituelles auxquelles elle s'était conformée. Fin de note. J'ai dit ailleurs à quelle occasion le sanctuaire fut détruit. Le recteur de Trédarzec, en la paroisse de qui il était situé, y mit le premier la pioche. Il le fit raser entièrement et relégua la statue du saint dans le grenier du presbytère. Mais il est plus facile de démolir un mur que de déraciner une coutume, surtout en Bretagne. On n'en continue pas moins de venir prier sur l'emplacement de l'oratoire disparu. Dernièrement, une femme du pays de Goëlo, qui avait été spoliée par un auteur, y passa la nuit, prosternée sur le sol, sous la pluie qui tombait à verse, et s'en retourna chez elle à demi-morte de froid, mais sûre d'être vengée. Vous trouverez aux environs des gens pour vous affirmer que le saint fait chaque soir le trajet du bourg à Porzbihan pour reprendre possession jusqu'au matin de sa maison en ruine. Ils l'ont rencontré. La légende ne s'arrête pas en si bon chemin. S'il faut l'en croire, le recteur sacrilège fut puni par Saint-Yves lui-même de son forfait. Voici dans quelles circonstances. Certaines après-dîner, 3 hommes étrangers à la paroisse se présentent à la porte du presbytère. « Qu'y a-t-il pour votre service ?» leur demande la servante. « Nous voudrions parler à monsieur le recteur. Il est à table. Que désirez-vous de lui ? Qu'il nous permette de nous agenouiller devant l'image d'Yves le Véridique, laquelle est, dit-on, prisonnière dans son grenier. » Impressionnée par le ton singulier dont étaient prononcées ces paroles, la servante s'empressa d'avertir son maître, bien qu'il n'aimât guère à être dérangé au cours de ses repas. Le recteur, sa serviette à la main, parut aussitôt sur le seuil de la salle à manger. Il avait la mine furieuse. « Sortez d'ici » cria-t-il, « vagabond de grand route que vous êtes. Saint-Yves n'a que faire de vos prières homicides. » « Soit, » répondit avec calme l'un des inconnus. « Puisqu'il en est ainsi, nous t'assignons tous les trois à son tribunal. C'est aujourd'hui samedi, il te reste la nuit pour te repentir. Demain, tu ne célébreras pas la grand-messe. » Là-dessus, les personnages mystérieux s'évanouirent sans qu'on sût comme. Le recteur a gagné son lit à l'heure habituelle. Il est triste, des pensées funèbres le hantent. La servante aussi se sent le cœur étreint d'une angoisse. Elle a beau se tourner et se retourner entre ses draps, elle ne peut s'endormir. La sinistre prophétie des trois pèlerins retentit obstinément à ses oreilles. Soudain, elle sursaute. Par l'escalier du grenier descend un pas lourd, le pas de quelqu'un qui serait en bois. Il résonne maintenant dans le corridor. Une porte s'ouvre, un cri part, et c'est ensuite une plainte longue, entrecoupée de hoquets, comme un râle. Est-ce chez le recteur ? Est-ce chez le vicaire ? Il sera toujours temps d'y aller voir. Un malheur ne s'apprend jamais que trop vite. Et la servante se tient coite, la face au mur, avec une sueur d'épouvante qui lui ruisselle par tout le corps. Lorsqu'on entra le lendemain au petit jour dans la chambre du recteur, on le trouva dans son lit, mort, et la couverture ramenée sur le visage.